Alors, comme disait le docteur Jean-René Douma, les BRICS ont vraiment vu juste. Mais avant de vous donner la parole, président Bandakané, je voudrais, avec votre permission, que nous prenions cet extrait du président Lula. C'était quelques jours en Chine. Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer dans notre propre monnaie? Et pourquoi n'avons-nous pas la volonté d'innover? Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi une banque comme les BRICS ne pourrait-elle pas avoir une monnaie capable de financer les relations commerciales entre le Brésil et la Chine et entre autres les autres pays des BRICS? Alors, président Bandakané, la parole est à vous. C'est un ancien syndicaliste. Toute sa vie, ça a été un syndicaliste. C'est un ouvrier. Quelqu'un qui a été syndicaliste, faites attention. Et il cumule le syndicalisme et la politique. C'est un génie qui est devant vous. Là. Vous faites attention avec lui. Et puis, il parle avec un art de l'humour, mais ceux qui le comprennent, c'est très profond. Quand quelqu'un vous dit, c'était inimaginable il y a 10 ans, ses amis. Et que vous dites, mais pourquoi l'obligé de commercer avec le dollar? Mais il faut dire, même quand il était président, il commençait déjà à imaginer ça. Et donc, il y a un truc à l'époque avec l'ancien président vénézuélien qui était décédé, il s'appelle encore qui, là, le grand homme là. Hugo Chavez. Avec Chavez. Ils imaginaient déjà un axe alternatif en Amérique latine pour essayer de contrer l'hégémonie américaine là-bas. Qui s'est créé récemment avec 6 ou 7 pays. Qui se consolide, ça avait commencé depuis. Tout à fait. J'ai oublié le nom, c'était l'Alba, un truc comme ça. Effectivement. Ouais, l'Alba, un truc comme ça, l'Alba. Donc, c'est pas, il est dans une trajectoire. Je vous ai vu, quatre bons. Tout sourire, hein, lorsqu'on vous suit. D'abord parce que je me reconnais dans ta trajectoire. Je suis un vrai homme de gauche, vrai. Ouais. Pas la gauche aromatisée de maintenant. Là. Caviar, tout ce que tu veux, maintenant. Mondialisé à la Hollande. À la Hollande, qui dit que mon ennemi, c'est la finance, alors que c'est la finance qui l'a placé là. Hein, Hollande, non. Non, la vraie gauche. Et puis Lula incarne ça, sa trajectoire. C'est un ouvrier qui est devenu. D'abord, il y a quelque chose au plan personnel qui nous lie à cet homme. Il est parti d'où pour devenir président. Après, il devient président, on fait un faux coup d'État, on l'emprisonne injustement et tout. Il revient au pouvoir. Un bon ami du Cameroun, président. Je voudrais parler dans les secrets d'État. Il est très lié. C'est vraiment un ami au Cameroun et un ami au patriarche président. Exactement. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui. C'est son histoire personnelle est quelque chose de fort. Et puis, il n'a pas oublié d'où il vient, son origine. Il dirige un pays très complexe. C'est un pays, le Brésil, c'est un pays complexe, parce que sur le plan économique, c'est un pays totalement dollarisé en début. Parce que les Américains ont simplement, on appelle ça, il y a un nom là pour ces entreprises, la délocalisation. On a délocalisé, l'Amérique a beaucoup délocalisé au Brésil. Pour qu'on revende aux États-Unis moins cher, vous connaissez cette affaire-là. Et c'est ça aussi un des piliers de la dollarisation. Parce que quand le dollar américain règne dans le monde, ils ont un avantage, c'est que là où ils sont plus compétitifs, ils délocalisent hors du pays. Mais c'est pourquoi vous venez approvisionner le marché américain en denrées à des prix très bas. Hein? Du coup, ils brousillent vos pays à l'étranger, mais ils maîtrisent leur classe moyenne intérieure parce qu'ils garantissent l'approvisionnement en denrées de première nécessité à des prix abordables. Et c'est le crédit. Je vous connais révolutionnaire, le docteur l'a dit aussi. On a suivi le président Lula se poser ces questions révolutionnaires. Oui, est-ce qu'on est obligé de commercialiser? Non, c'est fini. Ils peuvent pour dire que c'est fini. C'est un homme politique. En fait, la terre dit que c'est fini. Mais comme il gère aussi les contraintes de son pays. La diplomatie. Mais il a en train de dire que ce qu'ils comprennent, il dit que c'est fini ça. C'est fini là. Là il s'est revenu le nom. Hein. Ça va très loin. Il s'en est cherché maintenant le nom. Au niveau du mécanisme technique là, c'est pratiquement prêt. Hein. C'est prêt. C'est le nom maintenant qu'il cherche. Hein. On ne peut pas croire que c'est. Ça va vite là. Donc, il y a des développements qui sont extraordinaires, ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi, je voudrais insister sur deux ou trois choses. Je ne pourrais pas répéter ce que les gens ont dit. Mais rapidement, je vais dire ceci. La situation mondiale, il y a un déclassement des États-Unis. Mais nous devons être très vigilants. Parce que les États-Unis et l'Occident collectif ont encore des cartes à main. Non, il ne faut pas oublier, ils ont des cartes à main. moi j'aime toujours faire la géopolitique à partir de la condition africaine. Je n'aime pas faire l'analyse de géopolitique. Je fais la géopolitique à partir des conditions africaines. Parce qu'il faut que l'Afrique devienne une puissance mondiale. Que l'Afrique ait un mot à dire. Parce que le monde a besoin de l'Afrique. La parole africaine sera originale. D'autres seront des positions de puissance. Ils peuvent faire penser le monde comme les pays qui ne sont pas des puissances. La parole africaine sera fraîche, sera neuve, sera vieille en même temps, à cause de notre antériorité historique en termes de civilisation, mais en plus parce que ça fait longtemps que nous avons, nous connaissons tout le monde. Tout le monde est venu nous écraser. Tout le monde est venu nous maltraiter. Les Arabes nous ont maltraités. On n'a pas oublié. On est seulement... On est sage, c'est tout. On n'a pas oublié. Le 8 siècle d'esclavage arabo-musulman. On n'a pas oublié ça. Et ils nous rappellent souvent ça avec des petits tintins comme le président de Tunisie. Ah oui. Cite, ça est. Ah oui, quand l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun ou en Afrique ou ailleurs ils écoutent, ils comprennent bien ce qu'on dit. Parce qu'on n'est pas content. Qui lui-même a des origines noires. Et il faut que le président tunisien repasse ça sérieusement. Pas les histoires qu'il allait faire avec Ambalo là. Un autre, bon, je vais parler de lui cet après-midi. C'est quand même trop d'importance. Et puis, tout ça, les Marocains, tous ces gens qui maltraitent l'Africain, qui jouent avec l'Africain, qui font attention avec l'Afrique. Tout le monde est venu nous maltraiter. Hein. Donc, on connaît tout le monde. On connaît tout le monde. Donc, quelqu'un qui a vu, qui a inventé la civilisation, quelqu'un qui a créé la civilisation, après avoir connu une chute, vous êtes venu, vous vous embrouillez là. Pour vous maltraiter les gens, vous faites la voie musulmane d'esclavage. Ils étaient déjà en complicité avec l'Occident, parce que les gens oublient toujours ça. Parce que les petits théoriciens occidentaux qui disent que oui, vous parlez seulement de la traite blanche, vous ne parlez jamais de la traite arabo-musulmane, comme si vous étiez en complicité avec les musulmans, vous les occidentaux. Même pendant cette traite-là. C'est 8 siècles seulement, 800 ans. 8 siècles. Nos civilisations ont duré, avant que tous ces petits enfants émergent là, nos civilisations ont duré les 10 000 ans, 25 000 ans. L'os de Shango, c'est 25 000 ans. 25 000 ans, l'os de Shango. On a inventé la mathématique. Il y a 25 000 ans. Aucune civilisation ne dit. On ne pensait même pas que vous allez émerger. Je suis en géopolitique là. Je suis en train de parler du BRICS. J'arrive. Hein. Tout à fait. Moi, je ne suis pas hors du sujet. D'autres ont bien parlé. Moi, je suis dans les BRICS. Parce que moi, je parle du point de vue de l'Afrique. Maintenant, les Occidentaux, ceci est dû aux Arabes, dans l'esclavage. Ils ne sont pas encore 700 ans, ils sont fatigués. C'est 7 siècles. Ils sont foutus dans 7 siècles. Non, ils sont fatigués, c'est fini. Quand les gens disent qu'il faut marier en Espagne, là, un pays de salopards comme ça, vous dites que vous allez marier un homme avec un animal. On va vous mettre au banc de la civilisation. Ça va venir, on va les mettre au banc. Parce que la question de BRICS aussi. On va poser à l'aide. C'est pour ça que l'Afrique doit devenir puissante. Parce que nous allons parler, nous allons imposer dans le BRIC la dimension de la civilisation. C'est pas seulement le commerce. L'être humain, ce n'est pas un commerçant. L'être humain, c'est plus que le commerce. Parce qu'il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on va commercer, parler avec des gens qui disent qu'on parle avec un animal? C'est un débat sérieux et profond. Et c'est un débat géopolitique de haut niveau. Un pays qui dit que l'homme parle avec un animal. On renvoie son ambassadeur. On dit que va rester, vous êtes des animaux. Et restez chez vous, avec les animaux là-bas. Nous, on veut rester humains ici. Dans un monde sérieux, on chasse nos ambassadeurs d'Espagne dans tous les pays africains. Reste chez toi. Parce que tu rabaisses l'humanité de l'homme. Allez faire ça chez vous là-bas. Mais ça arrive, hein. Ça arrive. Donc l'Afrique a quelque chose à apporter d'original dans ces mouvements géopolitiques dans le monde. Parce qu'on est des vieux. Nous sommes les vieux. 700 ans, ils sont fatigués. Nous, ça fait combien de... Nous, on est là, on n'est pas fatigués. On a tout vu. Hein. On tombe, on se relève, on est là. Mais nous, on est sages, on regarde les gens. Tous ceux qui sont maltraités, on les connaît. Bon, regardez maintenant, dans nos relations avec l'Occident, est-ce qu'on a même besoin de parler fort? On les regarde seulement, on dit, ne pas vous êtes fort. Vous êtes fort, non? Il est plus fort que vous maintenant. Non, on ne parle même pas. Nous ne parlons même pas. Elle dit que. Il est plus fort que vous. Ah bon? On ne parle même pas. On ne parle même pas. Donc, il y a cette histoire. Nous, l'Afrique doit entrer dans les BRICS pour faire plus que les BRICS. Tu l'as dit. Ce n'est pas de l'ambition, c'est du réalisme. Oui, c'est-à-dire que c'est bon les BRICS. C'est une chance extraordinaire. Non, non, non, quand on salue Poutine, on sait, bon, il sait qu'il est notre ami. Mais, il est notre ami, mais l'Afrique a sa musicalité à amener, à imposer. Et le monde a besoin de ça. Il n'y aura pas de monde si l'Afrique, la musicalité africaine n'est pas reconnue. Je dis bien, il n'y aura pas de monde. Et c'est l'Afrique seule qui peut apporter ça. Et le monde a besoin de ça. C'est une valeur géopolitique. Il faut seulement savoir transformer. C'est pour ça que, tout à l'heure, Charlie Kenya a dit un truc très important. Je voulais commencer par ça, mais ton génie de la modération m'a empêché de le faire. Donc, il a dit, il parlait de la science. Tout à l'heure. J'ai dit qu'il faut bien comprendre ce qu'il a dit. Je ne sais pas si le ministre sait ce qu'il a dit. Hein. Il n'y a pas de science universelle. Il faut arrêter de bêtises comme ça. Moi, je vais plus loin. Tu es même poli. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de science universelle. Il faut arrêter ça. Ça, c'est l'Occident, ça. La science, c'est contextuel. Un esclave ne peut pas faire la même science que son bourreau. Un esclave qui fait la même science que son bourreau, il est esclave à vie. Parce que la science du maître, c'est pour te dire que tu es bon, tu es né pour être un esclave. Il va mobiliser tous les études de la science, il va tordre ça pour te démontrer que toi, tu es né pour être S. Oui, ce que j'ai dit là est fort, je sais, mais les panafricanistes doivent ouvrir les portes fermées. Il faut arrêter ça. La science est une chose. La standardisation de la science en vue de l'imposer dans le cadre de l'hégémonie, c'est autre chose. C'est ce que fait l'Occident. Unifier toutes les disciplines scientifiques, mettre ça sur le leadership d'un projet géopolitique d'extermination de l'espèce humaine, c'est pas la science. Il faut arrêter ça. Je ne peux pas penser la science comme les Américains. On n'a rien de commun. Ce sont des voyous, ce sont des sauvages, des criminels, des terroristes. Moi, je rêve d'un monde de fraternité. C'est ce que mon ancestralité m'a laissé. La fraternité. Je rêve d'un monde de paix. Je me considère comme tout humain sur Terre est mon frère. Je ne veux pas développer la science comme un pays de sauvages qui pense que le monde a le sens que s'ils écrasent tout le monde. Vous comprenez ça? Quand il a dit, Charlie, ça intervient dans la constitution de BRICS. La constitution de BRICS, c'est d'abord une question de science. Vous êtes sur BRICS, vous dites, mais c'est d'abord ça. Le risque que vous voyez là, la performance russe est liée parce qu'il y a une activité spécifique scientifique russe. Je parle sous le contrôle d'un grand enseignant. J'ai devant moi deux pédagogues de haut niveau. Je vous dis que, quand vous voyez la puissance russe, attention, c'est parce que les Russes sont autonomes sur le plan scientifique. Et là, comme les Occidentaux ont commencé à faire le chantage des intrants au niveau des puces là, vous allez voir, en 2 ans, les Russes vont régler ça. Mais attendez, mais excuse-moi, je n'ai pas ta. Toi, tu es le pédagogue. Hypersonique, Satan et... Bon, merci. Ça va avec toi. Bon, je dis que tu es là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Vous êtes vous les pédagogues, non? Donc quand on parle, vous venez seulement compléter. Donc c'est clair. Ces choses sont claires. S'il n'y a pas l'activité scientifique russe de base forte, il n'y a pas de puissance russe. Ça c'est clair. Parce qu'il nous faut la science. La science d'abord pour penser le monde. Pour penser... la philosophie géopolitique mondiale. Nous ne sommes pas des... On n'est pas là pour réciter la philosophie géopolitique russe. J'adore les Russes, ce sont nos amis. Mais l'Afrique pense la géopolitique, monsieur. L'Afrique pense la philosophie, l'Afrique pense la science, les mathématiques. Il n'y a pas de puissance militaire sans la science militaire que vous développez chez vous. C'est très important cette affaire. Quoi que moi j'aborde les Russes. Maintenant, il y a une dimension ponctuelle de l'affaire. Ça viendrait parce qu'il faut du temps, il faut changer beaucoup de choses. C'est une grande chance extraordinaire, le monde multipolaire. C'est même la main de Dieu. Le monde multipolaire nous permettra, nous les Africains, de faire en très peu de temps, de faire en 10 ans, en 5 ans, ce que l'on peut faire en 50 ans. Multipolaire. mettre ça à profit pour rapidement retrouver notre souveraineté. Internaliser les avantages, je dis bien internaliser les avantages de la multipolarité pour faire émerger un pôle de puissance africain. D'ailleurs, Poutine demande ça. Il sait très bien que s'il n'y a pas un pôle comme ça, je vous dis, écoutez-moi bien là maintenant, là c'est notre niveau de la géopolitique. Allez-y, Président. L'alliance russo-chinoise, c'est une alliance de circonstances tactiques. La profondeur de la Russie, c'est l'Afrique. Effectivement. Je n'ai pas tout développé ça. Mais ceux qui font la géopolitique, au niveau complet, c'est que c'est un. On reste à ce niveau-là. Oui, je n'ai pas tout développé parce que c'est ceux qui comprennent la géopolitique mondiale profonde, c'est ce que c'est en train de dire. Oui. L'histoire a démontré que les alliances entre les puissances, c'est des alliances objectives et c'est des alliances de raison. Pour l'instant, la Russie et la Chine sont unies. Mais il y a dans l'histoire où les deux n'étaient pas unis, hein, l'un a trahi l'autre. Tout à fait. Et ça ne s'oublie pas en géopolitique. Hein. Mais le continent qui offre une profondeur, parce qu'à cause, excusez-moi, de sa relative virginité historique en matière de développement, en matière de puissance, peut offrir profondeur sur 100, 200 ans à une puissance comme la Russie, qui a une vocation qu'elle-même explique sur le plan de la géopolitique, qui n'est pas une vocation guerrière, c'est l'Afrique. C'est clair. Je suis d'accord plus là. C'est l'Afrique. Mais ça, c'est pas la Russie. Mais c'est-tu qu'on ne doit même pas dire sur un plateau, mon autre budget. Pourquoi vous avez les gens comme l'Union africaine là, c'est une malédiction qu'on porte. Il faut le dire. Vous êtes obligé de dire les choses. C'est une malédiction. Ça dit que. C'est pas la Russie de venir vous chanter ça. C'est à vous de transformer ça en opportunité géopolitique. Et une puissance comme la Russie est prête. L'Avrom l'a même dit. Lavrov a dit, c'était dans une interview, vous ne l'avez pas suivi ça. J'ai suivi ça, j'ai gardé. Quand je lis, je garde des choses comme ça. Il dit, nous ne prenons à armer l'Afrique avec des armes de pointe. Vous imaginez qu'un diplomate de ce niveau dise ça en public? Vous savez ce que ça veut dire? Bon, on a les dirigeants, ils sont sages. Les gens se taisent, on dit que bon, on ne parle pas quand on est au pouvoir. On est sage. Mais tout ça, ça aboutit à quoi à la fin? Aboutit à quoi à la fin, tout ça? Parce que quand on ne peut pas protéger le Soudan, vous savez que le truc qui arrive au Soudan là va avoir des conséquences terribles sur l'Afrique, toute l'Afrique. Tout à fait. Tu prends le Soudan, tu as pignon sur la RDC, tu as pignon sur le Centrafrique, tu as pignon sur le Tchad. Tu as pignon. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout ce qui sont des États d'Afrique centrale. Hein? Est-ce que vous rendez compte? On masque l'indigence intellectuelle, l'indigence politique, en dit que non, on est calme, on est réaliste. Ça mène où? Mais quand vous êtes face à vos peuples, là, vous voulez pour réaliste, vous tapez dessus comme des. Vous tapez. Mais quand un blanc, non, il fait tout ça, il faut être réaliste, on est sage. Ça marche plus, c'est fini ça. Donc la Russie, c'est que sa profondeur, c'est l'Afrique. Est-ce que les Africains comprennent que c'est ça qu'il faut valoriser? Il y a des moments dans l'histoire de la géopolitique, Charlie, où ta faiblesse est ta force. Tout à fait. Pour que tu saches valoriser ça. Il y a un moment où un fort, très puissant, a besoin d'un faible. Qui va donner de la profondeur à sa puissance. Parce que s'il n'y a pas un faible qui donne de la profondeur, ça c'est un rival plus puissant, il est mal parti. Je vous dis que l'alliance russo-chinoise, c'est une alliance de circonstances. Sa profondeur stratégique, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Tout à fait. Tu t'allies avec... Les Chinois sont très agiles. Ils sont très agiles. Pour t'allier avec les Chinois, il faut être très agile. C'est compliqué dans la vie d'être agile. Les Chinois sont très forts. Hein. Donc tu marches avec un Chinois, il faut être très fort. Hein. Il faut être très fort. Ce sont nos amis. Ils ont été fidèles au Conseil de sécurité avec le Cameroun. Je n'oublie pas ça. Ça c'est vrai. Hein. Je n'oublie pas. Mais entre amis, souvent, on se parle franchement. J'adore les Chinois. Mais je préfère d'abord l'Afrique. Je préfère l'Afrique d'abord. Donc il est important que l'Afrique évalue quelles sont les opportunités que les circonstances nouvelles de la géopolitique mondiale nous donnent. Il ne faut pas subir les évolutions. Quand on subit les évolutions, on n'en saisit pas toutes les opportunités essentielles. Quelqu'un qui a un rapport d'opportunisme avec une situation n'est pas comme quelqu'un qui a pensé à la situation qui vient. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, les Africains ont diversifié le partenariat à la faveur des crises économiques et de la faiblesse de la France à un moment donné. Mais la diversification a permis de tenir. Oui, mais on n'est pas sorti de l'ornière. Parce qu'il ne faut pas diversifier seulement. En termes de saisie, d'être opportuniste, vous dire que machin, tout en nous l'a expliqué très bien. Les Français peuvent vous laisser aller prendre les prêts en Chine. Mais ça sert à... Tu prends un prêt là-bas en Chine. Pour que ça arrive chez toi, on passe par le compte d'opération français. Ils prélèvent d'abord tout le prêt qu'ils ont à prélever. Les Chinois me se plaignaient que, mais c'est que la fête, ça. Nous, on est fatigués. On vous donne l'argent, ça passe d'abord par le compte d'opération. Les Français prélèvent cette affaire. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, dans les conditions actuelles de la géopolitique mondiale, regardons très vite les acteurs majeurs. Vous allez voir quelles sont les cartes qui restent encore au niveau des Occidentaux et pourquoi eux-mêmes comptent faire de l'Afrique leur base de repli. Ça va nous freiner. Il faut rapidement réfléchir, anticiper là-dessus très rapidement. Vous avez, quand vous regardez un pays, les puissances internationales, les États-Unis, commençons par les États-Unis, le chef de ce qu'on appelle le collectif occidental. Les États-Unis, dans l'État américain ne produit pas de l'économie. Ce que lui produit pour ses entreprises, c'est le cadre géopolitique et géostratégique. Donc la main américaine ouvre les marchés, sécurise les routes d'approvisionnement et les sources d'approvisionnement en matière première. S'assure que ça soit bon marché pour ses entrées, mais ce n'est pas qui fait l'économie. Il faut bien voir les acteurs. C'est un acteur, c'est un État global qui produit des services globaux, géostratégiques, qui permettent à ses entreprises de fonctionner normalement. Garantie, comme tu as dit, l'extraterritorialité du dollar. Tout à fait. Mais ce que produisent la richesse, ce sont les monopoles. C'est-à-dire les multinationales, qui ont muté pour devenir des transnationales, arriver à un niveau comme les GAFAM. Vous voyez, les GAFAM sont tellement puissants qu'ils peuvent censurer un président, Trump, que tu ne parles plus ici. Ça passe comme ça, mais c'est l'investissement que nous avons, c'est grave, la puissance des GAFAM. Donc vous voyez que ces GAFAM-là, les GAFAM, les multinationales, laissez la Russie, mais regardez l'Afrique. L'Afrique a une économie totalement extravertie. Que ce soit en source d'approvisionnement, que ce soit, vous prenez l'Afrique, la dépendance en intrants. Je t'allais vous parler comment un petit jour au Trésor européen a dissipé la dette du Cameroun. Mais le Cameroun va dire quoi? Puisque l'important pour le Cameroun, c'est que le Cameroun dit, je dois sécuriser les intrants à cause du caractère extrêmement extraverti de mon économie. Est-ce que vous voyez ça? Et ça, c'est une marge de manœuvre que les sénateurs ont sur vos pays. Ils ne parlent pas, mais ils savent. Parce qu'avant de dire que pendant 10 ans, je vais changer ici. Mais dans 10 ans, ok, à la talent, tu manges quoi? Si j'ai les moyens de bloquer là, ton économie, là, immédiatement, là, je te tiens quelque part. Les sénateurs savent ça. Les habitudes historiques des pays africains, que n'ont jamais voulu penser l'économie par eux-mêmes. Ils ont, on gère votre monnaie à votre place, on fait tout à votre place. Vous êtes mal avec les fonctionnaires qui portent les vestes et tapent sur les citoyens tous les matins et disent que je suis président, président, président, président. Vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez rien, vous ne pensez pas à ça. Quand le changement géopolitique arrive, vous n'avez pas de dirigeants qui ont la capacité d'internaliser ces changements. Vous avez des administrations totalement corrompues, extraverties. Ils sont en transit dans leur pays, leur vrai pays c'est l'Occident. Ça fait 50 ans qu'ils vivent comme ça. Convertir ce type d'administration en un temps record pour s'adapter à des habitations comme celle-là, c'est la mer à boire, Charlie Kenya. L'Occident le sait. Vous croyez que tous les dirigeants africains sont fiers des changements en jeu pour tout le monde? Quoi qu'un Macky Sall qui est un Français en puissance, ça l'arrange? Ouattara qui vit en France un mois, c'est-à-dire tous les un mois sur deux. Il ne cache même pas. Des élites qui n'ont jamais pensé la vie en dehors de l'Occident. Vous voyez, Achille Mbembe. C'est la fin qui est son vrai pays. Il n'est pas seul. C'est-à-dire que quand ces mutations arrivent, quand on réfléchit à la fin, on voit que l'Afrique, la chance c'est que nous sommes là, mais finalement, on va même tout faire en même temps. Et on va tout faire en même temps, les panafricains. Parce que vous voyez, comment c'est? Il faut que les classes moyennes suivent, la classe intellectuelle suive, les religieux suivent. Mais quand vous regardez ce qu'on fait dans les églises, dans les mosquées en Afrique, même dans les lieux sacrés, mais ça ne vous prépare pas à affronter la mutation géopolitique mondiale. Le discours qu'il y a dans les églises en Afrique à l'heure actuelle, là, ça fait honte. Si vous vous rendez compte, quand vous voyez ce qui se passe là-bas, quand beaucoup de gens vont là-bas, qu'est-ce qu'on enseigne dans les mosquées? Comme est-ce que je suis un populaire, j'ai le courage de dire, je vous dis ça, c'est un débat sérieux. ça devrait venir de cet endroit-là. C'est dans les églises, dans les mosquées, dans les lieux sacrés traditionnels qu'on devait, que l'amorce des révolutions pour s'adapter au changement du produit mondial devrait partir. Mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? La routine. Même chose qu'on reçoit depuis 2000 ans. La coutume. On confond coutume et tradition. La même chose. La tradition africaine a donné de la puissance dans les temps passés, monsieur Kenyé, Charlie. La coutume donne pas la puissance. C'est une répétition des gestes des anciens. Mais comment les traditions africaines ont inventé les mathématiques, la science, la puissance, pour que nous on enseigne le monde entier? Ce sont les armes de guerre. Hein? C'est ce qui a fait la Chine. Hein? La modernisation de ces traditions. Quand vous regardez l'Afrique là, vous regardez là, même aujourd'hui tu es même président, tu as une société civile, tu as toute une génération de citoyens qu'on a mal formés. Ils ont appris quoi? Les déchets d'éducation française. Ils ont les diplômes. C'est ce que j'appelle diplôme française. D'accord. Ils ont un ministre de l'enseignement supérieur, Kamou Famon Lungo, qui passe son temps à corriger Maurice Kamto. Ils ne réfléchissent pas comment on peut adapter l'enseignement supérieur Kamou au défi du 21e siècle. Ça fait 22 ans qu'il est là. Pour lui, l'enseignement supérieur marchait bien quand il est ministre depuis 20 ans. Il a battu le record de longévité dont l'enseignement supérieur se porte très bien. Il place les gens dans les réseaux, partout, avec des mécanismes obscurs. La politesse m'interdit de dire tout sur un plateau parce que c'est quand même mon pays. Il place les gens. Les mécanismes obscurs sont là. Et que l'enseignement supérieur va bien. Ça va bien? Très bien. Vous voulez m'interrompre pourquoi? Non, vous interrompez. C'est juste que... Vous êtes dans le sujet? Non, vous êtes dans le sujet, président Badakani. Profondément dans le sujet, monsieur. L'émission est interactive. Nous allons peut-être, avec votre permission, que vous finissez. Voilà. La possibilité à nos téléspectateurs, qui sont très nombreux. C'est bizarre que l'émission est bien interactive quand ils sont en train de parler. Ils sont très nombreux, président Badakani. C'est une forme de censure? Non, c'est pas une forme de censure, vous le savez très bien. Ils sont très nombreux, les téléspectateurs, qui veulent aussi participer en 2-3 minutes, hein, le temps qu'on revient sur le plateau. D'ailleurs, il nous reste quelques minutes pour partir du studio. Je vous en prie, continuez. Je termine, merci. Je vous en prie, allez-y, président. Oui, je vais aller rapidement. Merci beaucoup. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Donc, vous avez les États qui produisent, oui, parlons comme ça, les services géopolitiques et géostratégiques. Vous avez les monopoles des multinationales qui sont les seigneurs de guerre de la production de richesses économiques. Mais vous avez les marchés financiers qui contrôle tous les circuits de la production monétaire, depuis la monnaie matérielle jusqu'aux monnaies immatérielles. Et nous consommons. Mais tu as tout compris, cher René. Alors quand c'est comme ça, les BRICS sont en train de dire, on va créer une nouvelle monnaie mondiale. Quelles sont nos capacités africaines à accueillir ce nouveau projet? Les Blancs le savent. On vous est très content de s'intéresser chez vous, Orange Monnaie, MTN Monnaie, SRU, machin, mais en position de consommateur. Vous énervez, on bloque ça, vous faites comment? Les Blancs le savent. Des grandes questions. Il est important de parler de ça que de retrouver quelques appels. Les appels sont importants. Ce qu'on dit là, c'est important. C'est important. C'est très important. Parce qu'il faut rapidement réfléchir à la riposte occidentale quand on décide de diversifier, de basculer dans les BRICS. Ça a commencé depuis la riposte. Ça a commencé depuis. Donc vous voyez, on a frappé la Turquie, pourquoi? On a frappé. Les armes là sont sur la zone, on ne voit pas. Bon, imaginez les pays africains. Nos côtes sont ouvertes, assez ouvertes, partout. Nos cellules de ciel, on ne contrôle même pas. L'Union africaine a dit que non, donnez-moi les vaccins, je vais vacciner tous les pays africains. L'Union africaine. Et ça, maintenant, alors, on va faire quoi? C'était du poison. Portez, donnez-moi les vaccins. Pour justifier la salaire. Vous avez les ONG qui produisent de la légitimité morale. L'Afrique en a combien de points? Pour contrebalancer l'Occident. Vous avez une ONG qui contrebalance des ONG de M. George Soros, qui embête tous les États matin. Dès que les petits filles font un rapport, les États sont obligés de se battre et tout, alors que c'est facile à faire et c'est compliqué. Vous avez l'ONU qui garantit le droit international, c'est-à-dire quoi? Qui travaille pour l'Occident. Pour les Américains. Et les monopoles. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas un discours pessimiste, c'est un discours, je sonne l'alarme. Pour dire que l'avènement de BRICS, pourquoi on en profite? Il faut un changement mental, il faut un déblocage mental, il faut un déblocage à tout point de vue pour changer nos habitudes historiques. ça fait très longtemps qu'on est occidentaliste, ça ne nous rapporte rien. Et si on ne règle pas ça, on va mal négocier les tournants qui est en train d'arriver. Mais on a un avantage. Lequel? Ah, vous ne voulez plus ouvert là maintenant. Non, mais je le suis toujours. Vous avez un dialogue aussi entre moi et vous. Peut-être qu'on va le faire, frère, si vous permettez. Oui, si vous voulez. Vous pouvez que, après ça, vous voulez que je dois terminer. Je vais vous poser la question. Voilà, l'avantage que nous avons. L'avantage que nous avons, je vous le promets. Merci. Vous en prie. Merci beaucoup à vous, présent Badakani, pour votre compréhension. Afrique Média, le monde, c'est nous.